طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. في ذلك اليوم سندخل في الحديث 33 qui est le 33e hadith qui se rapporte à une règle fondamentale dans les règles du jugement, al-qada, entre lors des litiges, lors des différends, qui est que celui qui accuse doit apporter une preuve de ce qu'il avance et que celui qui est accusé doit nier ou alors jurer, comme cela va venir dans le hadith. Car à la base, l'honneur du musulman est sacré. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaykum. Que vos sangs, vos biens et vos honneurs sont interdits sur vous. Et que d'ailleurs, même cela chez les koufars, une chose qui existe, qu'à la base tu es présumé innocent, juste à ce qu'on apporte une preuve que tu es coupable de quelque chose. En islam, ils ont sûrement dû prendre de l'islam, ils ont sûrement dû prendre cette loi-là de notre religion, qui, comme nous l'avons dit, l'islam n'a besoin en rien de ce que les koufars ont apporté comme règle. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que c'est eux qui prennent de l'islam, mais dû à notre ignorance, on ne s'en rend pas compte. Et des fois, les gens croient qu'ils ont beaucoup de sagesse et beaucoup de choses, alors que la plupart des choses qu'ils ont prises, ils ont tirées de notre religion à nous. Tabam. Donc le hadith se rapporte à cela. Yaqul, قال l'imam al-Bayhaqi, رحمه الله تعالى, عن ابن عباس رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموالكم ودماءهم, ولكن البينة على من على المدعي واليمين على من أنكر. Donc il dit, selon l'imam al-Bayhaqi, plutôt rapporté par l'imam al-Bayhaqi, selon Ibn Abbas, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que si on donnait, on accordait aux gens leur avance et leur prétention, alors ils s'approprieraient le sang et les biens des gens. Cependant, la preuve, c'est-à-dire l'accusateur doit apporter une preuve, et celui qui est accusé, celui qui se défend, lui doit jurer, apporter un serment. Quand il a juré par Allah. يقول هذا لفظ البيهقي ذكره النووي عمدا هنا لقصد بعض الزيادات فيه وإلا فأصل الحديث في الصحيحين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي على المدعى عليه ومثله عن البخاري لكن عند مسلم أقرب للذي عند البيهقي. Donc il dit que là le love que le shir a rapporté, il est tiré des sunan del Bayhaqi. Mais l'origine de ce hadith est présent également dans les deux sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim. Cependant là, dans la version de l'imam Bayhaqi, il y a un ajout qui est, c'est le Bayyina, qui n'a pas été cité dans le hadith dans le sahihayn. D'accord ? Dans le sahihayn, l'ajout qui est présent chez le Bayhaqi, qui n'est pas chez le sahihayn, c'est que celui qui accuse doit porter une preuve. C'est ça qui n'est pas présent dans la version de Bukhari et de Muslim. وهذا الحديث يستدلون به في مسائل فقهية كثيرة فهو أصل عظيم. Donc il dit ce hadith est pris comme preuve dans beaucoup de points de fiqh et qu'il est un fondement primordial. وذلك أن المدعي يدعي شيئا خلاف الأصل, car celui qui accuse vient avec une chose qui à la base contredit l'origine. Il y a une chose nouvelle, un surplus. فالأصل براءة الذمة من هذا القتل الذي دعاه ذلك المدعي. Car l'origine, comme nous l'avons dit au début, c'est que tu es présumé innocent d'avoir tué ou autre, d'avoir commis un crime, contrairement à ce que prétend l'accusateur. L'origine, c'est que tu es à la base innocent. D'accord ? À la base, tu es innocent. حتى يثبت تلويث ذمة ذلك الإنسان ببينة. Donc c'est-à-dire que là, hein, celui qui accuse doit apporter une chose qui permet de rendre valable cette accusation. Pour celui qui l'accuse, qu'il ait tué, qu'il ait volé, qu'il ait escroqué, qu'il ait fait ceci ou cela. Voilà, يشكل على ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد رأس يهودي بين حجرين إذ رد رأس امرأة بين حجرين لأنه سأل المرأة فأشارت برأسها بل هذا محمول على أنه أتي به ونوقش فاختلف. Donc il dit cela également ne pose pas de problème avec le hadith qui était rapporté de ce juif qui avait tué une jeune servante en lui broyant la tête entre deux pierres. Comme cela est rapporté dans les deux Sahih, que cette jeune femme a été retrouvée mourante, la tête amochée entre deux pierres, et il lui fut demandé qui t'a tué. Donc ils citèrent plusieurs noms, est-ce que c'est un tel, un tel, un tel, un tel. Elle disait non, jusqu'à ce que le nom de ce juif soit cité. Et là, elle fit signe de la tête pour dire que oui. Alors ce juif fut ramené, interrogé, et finit par avouer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam appliqua la sentence sur lui et le tua en lui broyant la tête, en lui broyant la tête entre deux pierres comme lui l'avait fait sur cette jeune servante. Donc là, il n'y a pas de problème entre ce hadith hein, et l'histoire de cette servante. Pourquoi ? Car comme il a dit ici dans le hadith, même bien que la preuve n'ait pas été apportée par cette servante, qu'est-ce qui s'est passé ? Le juif, lui, a avoué. Il a avoué son crime. Donc à partir du moment où l'accusé reconnaît le crime, alors la sentence s'applique sur lui. Donc il poursuit en disant فَكَانَ دَاخِلًا فِي بَابَ الْإِكْرَارِ وَلَيْسَ مُجَرَدْ إِخْبَارِ الْمَكْتُولِ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ كَافِيًا سَوَاءٌ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ. Donc il dit cela rentre dans le fait d'avouer hein, que l'accusé a reconnu son crime. Donc la preuve doit être apportée. Et une preuve est basée sur différentes choses. Ça peut être par des témoins, ça peut être par des faits indéniables, ça peut être par une feuille, par exemple, lors d'un accord, un acte de vente ou ce genre de choses. Cela n'est pas basé seulement sur le témoignage. Tout ce qui apporte, qui fait office de preuve, tout ce qui fait office de preuve, hein, est accepté. Des choses indéniables, des choses reconnues officiellement par le juge. ويقول ويشترطون أن يكون الشاهد عدلا. Il est conditionné pour le témoin, celui qui vient témoigner, par exemple, lors d'une affaire, pour appuyer l'accusation, qu'il soit adl. Et un adl, c'est un musulman. Et un imam majeur, doté de raison, n'ayant pas de choses qui amènent à ce qu'il soit considéré comme étant un fasir, un pervers, et ni des choses touchant aux valeurs respectables. Et les valeurs respectables, ce qu'on appelle el muroa, ça c'est un chapitre qui est assez large, qui demande lui-même un cours, des livres ont été écrits sur ce sujet. C'est plein de choses différentes qui amènent à ce que la personne, et ni cela touche à son honneur, et rabaisse de son rang. Par exemple, en guise d'exemple d'une chose qui amène à ce que tes valeurs respectables soient atteintes, le fait d'uriner dans la rue, debout, par exemple. Et ainsi de suite. Car à la base, ces choses-là, ces valeurs respectables, ne sont pas des choses qui, elles, sont interdites en religion. Hein? Ce ne sont pas des choses interdites, ce sont pas des choses qui amènent à ce que tu sois mal vu. Des choses qui ne sont pas respectables. Et également le fisc. Qu'est-ce que le fisc ? Le pervers, c'est celui qui soit commet des grands péchés apparents, sans gêne, ou alors celui qui persiste et perdure sur les petits péchés. Ça, c'est un fasir. Ça, c'est un fasir. Et celui-là, ce n'est pas un adl. Son témoignage n'est pas accepté. Son témoignage n'est pas accepté. Donc, comme nous disions, il est conditionné que la personne soit un adl. Et qu'au lillahi ta'ala, وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا شَهَادَةَ لِلَّهِ. Et prenons témoignage. Ceux qui sont, on va dire, adl, juste parmi vous, et établissez le témoignage pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawlihi wa mimman tardawna min ash-shuhada an tadilla ihdahuma wa tuzakkira ihdahuma al-ukhra. Et parmi ceux que vous agréez, comme témoins, c'est-à-dire ceux qui ont dans les conditions, un tadilla ihdahuma, et que s'il y a l'une d'entre elles, c'est-à-dire s'il y a mais il n'y a pas eu un homme, alors deux femmes, car sinon il arrive à ce que l'une d'entre elles puisse oublier ou se trompe, la deuxième serait là pour la corriger. C'est-à-dire qu'ici on voit que le témoignage d'un homme ne peut être remplacé que par celui de deux femmes. Le témoignage de la femme ne vaut pas celui d'un homme dans ce genre d'affaires. Disons même que dans les shahadat, par exemple les shahadat qui amènent à des sentences, ce genre de choses, de la femme, cela n'est pas accepté. Tout ce qui touche aux hudoud, hein, les hudoud, qui sont les pénitences, qui sont les sentences appliquées, les peines appliquées, le témoignage d'une femme n'est pas accepté. Mais dans autre que cela, il peut être pris en considération avec des conditions. Cependant, pour un homme, l'équivalent de témoignage d'un homme, c'est celui de deux femmes. Car la femme, des hadiths sont venus qui montrent qu'elle est dotée, démunie de raison, sa raison est réduite, qu'elle oublie vite, qu'elle n'est pas aussi concentrée et aussi fiable qu'un homme. Donc de là, son témoignage n'est pas égal à celui de l'homme. Thumma qala faqad naqalu an ammat al-ulama ala anna sharat al-fasiq la tuqbal. Donc il dit, et beaucoup de cela a été rapporté comme de beaucoup de savants, que le témoignage du pervers n'est pas accepté. Le pervers, nous l'avons déjà décrit, c'est celui qui commet des grands péchés en apparent ou qui persiste sur les petits péchés. Lui, son témoignage n'est pas accepté. Ala zalika quda al-muslimin. Donc les juges des musulmans, voyez, marchent sur cela. Mimma tazakkarna min nukat allati tahsul 'inda al-mahakim shahida la shakhs. فقال المشهود عليه هذا شهادته ما تصح قالوا لماذا قال لأنه يسرق فراش المسجد فكيف تكبر شهادة السارق عليه وهو محروم العدالة فاسق فقال القاضي أنت تسرق فراش المسجد قال والله ما أسرق فراش المسجد ما قد دخلت المسجد فقال القاضي من باب الأولى أن ترد شهادتك لأنك ما تصلي في جماعة. Donc le Shila, il raconte une histoire souvent assez hilarante qui se dit dans les choses qui sont arrivées dans les tribunaux, qu'une fois un homme témoigna sur un autre, vient pour témoigner sur un autre, contre lui, qu'un tel a fait ceci, cela. Donc ce un tel, pour se défendre, dit quoi? Dit comment le témoignage de cet homme peut-il être accepté alors que cet homme a volé la moquette du masjid, hein? C'est-à-dire que c'est un pervers. Ce n'est pas un adil, ce n'est pas quelqu'un de juste. Alors le juge se tourna vers cet homme-là et lui dit, c'est vrai que tu voles la moquette du masjid? Il dit, mais non. Comment je l'aurais-je volé? Alors je ne suis jamais rentré dans le masjid. Donc là, il s'est encore plus grillé. Pourquoi? Car le juge lui dit, bah, alors si jamais tu ne rentres pas dans le masjid, à plus forte raison qu'on n'accepte pas ton témoignage car tu ne fais pas salat en jamara, en groupe. C'est-à-dire, il a voulu se défendre, il est venu avec pire encore. Qu'il est une personne qui ne fait pas la salat en jamara. Et de façon continue, car il dit, je ne suis jamais rentré dans le masjid. Ou je ne suis pas encore rentré dans le masjid. Donc là, le juge a refusé son témoignage. Et ça, c'est une histoire qui est un livre qui se raconte beaucoup dans, en citant l'exemple justement de fait de refuser le témoignage d'un pervers, d'un fasiq. Hada wa shahadatul kafir la tajouz ila fi umur mahmoudatin bishurut ma'roufa. Donc là, ce qui concerne les musulmans. Quant au témoignage du kafir, là-bas, c'est que celui est refusé. Il n'est pas accepté. Car le fasiq, ce n'est pas un adl. C'est pas un adl. On est dans les choulous du adl, dans les conditions du adl, qu'il soit musulman. Hein, qu'il soit musulman, mature, doté de raison, qu'il ne soit pas un pervers, et ni qu'il porte atteinte aux valeurs respectables, aux valeurs humaines. Et le kafir, lui, ce n'est pas un musulman. Cependant, son témoignage peut être pris en compte dans des choses limitées, dans des cas spéciaux. Et là, le cas que le chef a cité, c'est un cas où il y a ijtihad de sa part, qu'il n'y a pas unanimité, c'est ce que son l'avis que lui voit, et d'autres savants également voient comme lui. Cependant, vous pouvez entendre de l'autre savant qui disent que eux, le témoignage du kafir est refusé dans l'absolu. Vous voyez, à l'aitlaq. Dans l'absolu, son témoignage est refusé. Là, le chef a cité le cas, lui, qui voit dans lequel le kafir, et c'est pas n'importe quel kafir, là, c'est le kitabi, c'est-à-dire le chrétien ou le juif. Ce n'est pas tout kafir, c'est le chrétien ou le juif. Donc il dit, la preuve de cela, ce qu'il va citer maintenant avec les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Qala ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu, sharatu baynikum izi hadara ahadakumul maut, hina alwasiyya, ithnan dhawa adlin minkum. » Donc il dit dans le sens « Ô vous qui avez cru, quand la mort se présente à l'un de vous, le testament sera attesté par deux hommes intègres d'entre vous. » Donc là, le shahid, c'est quoi? La situation, c'est lors d'un testament. Lors d'un voyage. Comme cela va suivre. Donc il dit, c'est-à-dire là, dans le verset, il parle des muslimines. Le verset l'a cité, parle des muslimines. Hein? Zawa adlin minkum. Des gens intègres d'entre vous. C'est-à-dire les muslimines. Wa ashtarata fil muslimin al-adala. Et que pour le muslim, on est conditionné qu'il soit un adl. Al-adala, ce que nous avons cité par avant. La adala, c'est la justesse qu'on avait dit avec les conditions. Qala ta'ala, wa akharana min ghayrikum, ou deux autres d'entre vous. Ay min ahl al-kitab, c'est-à-dire des gens du livre. Donc là, c'est là le point important. Wa akharana, c'est-à-dire deux autres, min ghayrikum, d'autres que vous. Et là, le chef voit le d'autres que vous revient au même que minkum, plus haut, c'est-à-dire des muslimines. Ce n'est pas clair, ce n'est pas wadih. Ce n'est pas clair. Là, c'est une masala justement qui amène à l'ijtihad. Car ce n'est pas salih. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala là-dessus, là, sur ce jugement-là, elle n'est pas claire et flagrante au point d'en prendre un jugement décisif. C'est pour ça qu'il y a ijtihad, il y a divergence sur le sujet. Donc là, le shir, c'est le verset en entier. Pour emmener sa conclusion. Il dit Ya ayyu alladhina amanu sha'alatu baynikum izi hadara ahadakum al-maut. حين الوصية اثنان ذو عدل منكم وآخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذا من الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثمان فآخران يقومان مقامهما من الذين يستحق عليهم الألويان فيقسمان بالله لشهرتنا حق من شهرتهما وما اعتدينا إن إذا لمن ظالمين طيب إن إذا لمن ظالمين. Donc alors dans le sens il dit quoi? Toujours comme le début, ô vous les croyants, quand la mort se présente à l'un d'entre vous, le testament sera attesté par deux hommes intègres d'entre vous ou deux autres, hein, non des vôtres, si vous êtes en voyage. Donc là, non des vôtres. Là, le chien voit que c'est les gens du livre. Si vous êtes en voyage dans le monde et que la mort vous frappe, donc là, les conditions aussi, c'est que ce soit lors d'un voyage. Et lors de la venue de la mort, un testament. Vous les retiendrez, c'est-à-dire les deux témoins, après la salat. Puis si vous avez des doutes, vous les ferez juger par Allah. Enfin, vous les ferez jurer par Allah. Nous ne faisons aucun commerce au profit de cela, même s'il s'agit d'un proche, et nous ne cacherons pas le témoignage d'Allah, sinon nous serions du nombre des pécheurs. Et si l'on découvre que ces deux témoins sont coupables de péché, deux autres plus intègres parmi eux, auxquels le tort a été fait, prendront leur place, et tous deux jugeront par Allah. En vérité, notre témoignage, c'est-à-dire eux, là, ils diront cela, en vérité, notre témoignage est plus juste que le témoignage de ces deux-là. Et nous ne transgresserons point, sinon nous serions contrairement, certainement du nombre des injustes. Nous serions certainement du nombre des injustes. فهذه الآية تثبت شهادة الكتاب الكتاب في السفر وهو ليس بعدل بخمس شروط. Donc il dit ce verset, lui vient pour affirmer que le témoignage du kitabi, c'est-à-dire du juif ou du chrétien, lors du voyage, alors qu'il n'est pas une personne adl, c'est pas une personne juste, Cependant, avec certaines conditions, le témoignage du kafir, du kitabi, est accepté. Premièrement, an yakuna fi safar, que cela soit lors d'un voyage. An takuna fi wasiya, que cela ait lieu pour un testament. Inda adam wujud muslimin, qala ta'ala minkum aw akharan min ghayrikum, en l'absence de musulmans, c'est-à-dire que tout cela se passe et qu'il n'y ait aucun musulman. Comme le dira Spantana dans le sens, et deux autres qui ne sont pas des vôtres, hein, et deux autres personnes n'étant pas des vôtres. Quatrième, annahuma yashhadana wa yuqimana ma yakfi ishara faqat, et que ces deux-là apportent un témoignage suffisant pour l'affaire seulement. Ils n'apportent rien d'autre, juste par rapport à cette affaire-là. Khamisan, in usira minhuma riba, ata wali tilka al-wasiya fa yuqsim billah ma kadhib, fa turad sharatu al-katibayn. Et que si jamais on découvre des choses qui amènent à douter d'eux, de ce témoignage, et que celui qui a apporté ce témoignage vient et se présente, jurant par Allah qu'il n'a pas menti, alors le témoignage des deux chrétiens ou juifs, vous voyez, est rejeté. Naam. Fadi khamsa shurut, tushtarat fi sharati al-kitabi. Donc voici les cinq shurut conditionnés pour prendre en considération le témoignage d'un kitabi. Wa illa fa huwa ghayr adl bi ittifaq. Sans quoi, le kitabi, une personne qui n'est pas adl. D'accord, ce n'est pas un adl. Ce n'est pas une personne juste, intègre. Wa ma'na qawlihi ladda'a rijalun amwalakum wa dima'ahum. Et par rapport à sa parole, que des hommes, hein, réclameraient le sang et les biens de personnes. Ma'nahu ya'ti shakhsun wa yaqul hadha al-kitabu li. Hadhi da'wa la budda laha min bayyina. إن أقر المدعى عليه بذلك وإلا فلا بد عليها من بينة. Donc il dit, il s'agit là d'une prétention qui demande une preuve. Si jamais l'accusé reconnaît, alors le livre doit être rendu. Attendez, j'ai oublié de dire le début. Si quelqu'un vient et dit par exemple ce livre appartient. Il voit une personne avec un livre, il dit ce livre-là m'appartient. C'est-à-dire que là, il accuse une personne d'avoir un livre qui n'est pas à lui, mais qui le revient à lui. Il dit, ce livre, il y a un tel, par exemple, il dit, il y a Ibrahim, le livre que Ibrahim a dans les mains, c'est le mien, il m'appartient. Donc là, cette personne-là aura prétendu quelque chose, aura avancé quelque chose. Donc soit Ibrahim reconnaît, donc là, le livre doit être rendu, ou bien s'il nie, alors celui qui a prétendu la chose doit apporter une preuve que ce livre lui appartient. Et s'il n'a pas de preuve, si la preuve est venue, il vient avec une preuve que le livre est bien à lui, par exemple, il y a son nom à l'intérieur, ou par exemple, il dit, pour preuve que ce livre m'appartient, à la page 18, j'ai écrit une note, j'ai écrit telle et telle chose. À la page 22, j'ai écrit telle et telle chose. À la page 33, j'ai mis en fluo, par exemple. Il montre des preuves que ce livre, hein, dans ce livre contient des choses que lui a écrites. Donc là, on demande à Ibrahim, est-ce que dans ce livre, il y a écrit telle et telle chose? Ibrahim, si le livre n'est pas lui, il ne pourra pas savoir. Il dira oui ou non. Donc là, on ouvre le livre, on vérifie ce qu'a dit l'accusateur. Et si on se rend compte que l'accusateur a eu raison, alors ça veut dire que le livre lui appartient. Et que Ibrahim, le livre n'est pas à lui. Et sans quoi, si jamais l'accusateur n'a pas de preuve dans ce qu'il dit, juste il avance et il prétend, alors Ibrahim doit jurer par Allah pour nier, en disant que ce livre est à lui. Et dans ce cas-là, eh ben, le livre reste avec Ibrahim. Quand bien même le livre était vraiment à l'accusateur et que Ibrahim, le livre n'était pas à lui, en l'absence de preuves et que le fait qu'il est juré par Allah, le livre reste à Ibrahim. Et si Ibrahim a menti en jurant par Allah, en place entre lui et son Seigneur. Car cela rentrerait dans quoi? El-Yamin el-Ramous. Le fait de jurer par Allah, mensongèrement et impunément, délibérément. Et cela est parmi les grands péchés. El-Yamin el-Ramous, elle a été appelée comme ça car elle fait plonger celui qui la prononce dans le feu de l'enfer. C'est-à-dire celui qui jure par Allah en mentant délibérément, cela est parmi les grands péchés, très grands péchés. Donc après, à partir de ce moment-là, le juge ne peut plus rien faire, il dit « Khlas, il a juré par Allah, je ne peux rien faire ». Mais s'il a menti, Amru il Allah. Son affaire vient à Allah. C'est Allah qui le jugera vraiment. Fanaou Ahkamul Hakimin. C'est lui le plus sage des juges. Et lui, rien ne lui échappe. Dans ce bas monde, on ne peut rien faire à Ibrahim. Et cela, c'est pareil, que ce soit les meurtres, les vols, tout autre délit qui reviennent au droit d'autrui, c'est la même règle qui est appliquée. Donc, Azalika Dima'uhum. Yaddaï Anafulan Kotala Walada. Fahaza Ma'ana Sayahdaru Dama. قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Donc il dit pareillement leur sang, car si un tel accuse un autre d'avoir tué son fils par exemple, il doit porter une preuve. Pourquoi? Car si jamais il accuse qu'un tel a tué son fils et que cela s'avère vrai, cela amènera à piquer le talion, c'est-à-dire que le tueur sera tué. À part si les gens de la famille lui pardonnent. Et au pire des cas, il devra payer la dia, la compensation, du prix, le prix du sang, comme on dit. Et s'il ne pardonne pas, il sera exécuté. Donc ça, c'est une accusation qui est très grave. Il ne faut pas la prendre à la légère. Donc de là, on demandera à l'accusateur d'apporter des preuves. Tu dis qu'un tel a tué ton fils, donc prouve-le. D'accord? Prouve-le. Il y a d'autres cas où les preuves en elles-mêmes ne sont pas n'importe lesquels. Comme dans le cas du zina, par exemple. Accuser quelqu'un de zina, là, il faut 4 témoins. Et là, il faut 4 témoins. D'accord? Il faut 4 témoins. C'est-à-dire, c'est pas seulement quelqu'un, il vient, par exemple, il accuse quelqu'un d'avoir fait zina, et il est tout seul. Et il apporte les preuves qu'un tel a fait zina. Cependant, on dira, ils sont tes 3 autres témoins. S'il n'apporte pas d'autres témoins, alors lui, il sera fouetté. 80 coups de fouet. Quand bien même il a dit la vérité, il sera fouetté. Ça, c'est encore un cas spécial. Il faut 4 témoins. En tout cas, par rapport à celui qui accuse une personne d'avoir tué son fils, qu'il apporte la preuve. Sans quoi, tu es présumé innocent. À la base, tu es innocent. Si la personne, bien sûr, nie, l'accusé, si Amil nie, dit non, je n'ai pas tué ton fils. Alors, si l'accusé n'a pas de preuve, l'accusateur n'a pas de preuve, l'accusé doit jurer par Allah. Et cela revient à ce que nous avons dit. Que des gens auraient prétendu ou se seraient octroyé les biens et le sang de gens. C'est-à-dire, en accusant des personnes, tu peux les amener à se faire tuer ou à prendre de leurs biens. Donc il dit car celui, il se peut qu'une personne vient au tribunal, par exemple, tribunal musulman, en prétendant que cette terre, par exemple, est à lui. Quelqu'un lui a pris sa terre. Donc en faisant cela, qu'est-ce qu'il fait? Il dit par exemple, la terre, toujours Ibrahim, hein, miskin Ibrahim, on n'a pas le surprenant Ibrahim, mais on va dire ça encore Ibrahim. Ibrahim a fait une maison sur une terre. Quelqu'un vient et dit, cette terre-là, elle est à moi. En faisant cela, qu'est-ce qu'il fait, l'accusateur? Il est en train de vouloir s'accaparer cette terre. Soit elle est réellement à lui, et s'il n'est pas à lui, il va prendre le bien de Ibrahim. C'est là le sens du hadith. Hein? La da'a unasun amwal qawmin. Ils auraient demandé les biens des autres. En faisant cela, il demande cette terre. Et cette terre, il se peut qu'elle ne soit pas à lui. Donc là, apparemment, il doit apporter une preuve. Car si jamais les gens parleraient comme ça, sans apporter de preuve, on accuse tout le monde à tout va, à tort et à travers, on prendrait leur bien, on prendrait leur vie. Et on souillerait leur honneur. Fouma yakoul. Wa mas'alat al-qisama tushkilu ala hada al-hadith wa alayha jumul al-ulama. Wa hada al-hadith muqaddam alayha fima zakara al-imam Shoukani wa akharun min al-ilm. Donc il dit, Masalat al-Qisama. C'est quoi al-Qisama? C'est par exemple, toi, on a retrouvé un crime, par exemple. Allez, on continue avec Ibrahim, miskin. On continue avec Ibrahim. Ibrahim, on trouve chez Ibrahim un corps, un cadavre, d'un musulman. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Est-ce qu'on peut accuser Ibrahim? Là, il y a quelque chose de flagrant. Chez lui, dans sa maison, il y a un corps ensanglanté d'un musulman. Chez Ibrahim. Donc on dit Ibrahim, c'est toi qui l'as tué. Ibrahim, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit jurer. Taïb, Ibrahim doit jurer que ce n'est pas lui qui l'a tué. Quand bien même Ibrahim viendrait avec... On n'a pas trouvé le corps chez Ibrahim. Mais Ibrahim vient, par exemple, à la police. Ou, par exemple, on voit Ibrahim qui marche le soir dans la rue, à 1h du matin, en transportant un corps avec du sang sur lui. Est-ce qu'on peut prétendre que c'est Ibrahim qui l'a tué? C'est là que ça vient de Kisama. Il y a plein de choses qui amènent à dire que c'est Ibrahim qui l'a fait. Mais il y a éventualité que ce n'est pas lui. Peut-être qu'il a trouvé le corps, il le ramène. Ou peut-être que il a voulu. Le corps, c'est celui de son ami, il était là avec lui, il a voulu l'aider, et ainsi de suite. Donc ce n'est pas quelque chose de clair. Bien que là, son image, elle est. Son image, elle est atteinte. Là, il est suspect. Hein, il est suspect. Ibrahim est suspect. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Là, il n'y a pas d'accusateur. Personne ne vient pour accuser Ibrahim d'avoir tué. Juste, on l'a vu comme ça. On a vu comme ça Ibrahim avec du sang sur lui. Le sang d'une victime. Donc on dit, Ibrahim, est-ce que c'est toi qui as tué un tel? Et là, Ibrahim doit jurer. S'il jure, s'il reconnaît, khalas, la sentence s'applique sur lui. Et s'il nie, il jure par Allah et on le laisse. Tant qu'on n'a pas de choses claires qui viennent démontrer que c'est lui qui l'a tué. C'est-à-dire que là, dans la masala des Qisama, il n'y a pas d'accusateur avec des témoins, ni de preuves claires. C'est une personne qui a été vue, suspectée, c'est-à-dire suspectée d'une chose qui, à la base, les indices présents sur lui ne sont pas suffisants pour l'accuser clairement. Non. Donc cependant, le hadith, là, il vient, il prédomine sur ce sujet-là du fait qu'il faut apporter une preuve. Ensuite, il poursuit en disant wa mas'alat sha'arat al-mar'a 'ala tuhriha annaha tahurat fi yawm kaza wa kaza maqbula fa 'ala hadha tanbani ahkam fa rubbama 'aqadu biha qabla tuhriha fa la yasah al-'aqd fa in ukhbirat bi annaha tahurat fi yawm kaza wa kaza sah al-'aqd wa li hadha nadha'iru tanbani ahkam kathiratun 'ala hadhihi al-mas'ala. Donc il dit, par exemple, une femme qui était idda. D'accord, une femme, elle était en idda. Elle était divorcée, par exemple. Donc, elle a une idda de 3 mois. Ou veuve, ainsi de suite. Elle a une idda. C'est-à-dire qu'on doit attendre qu'une période de menstrues passe. Donc, si elle témoigne qu'elle a eu ses menstrues, tel jour, et que le lendemain, elle s'est mariée, elle s'est remariée avec un nouvel homme, alors le aqd, le contrat de mariage, est valide. Et que si elle témoigne, elle affirme qu'elle s'est purifiée tel et tel jour, alors sa parole est acceptée. On n'a pas demandé de preuve. On n'a pas demandé de preuve. On la croit. Car il se peut qu'il y ait une erreur, d'accord, il se peut qu'il y ait une erreur, que le mariage, contre le mariage, ait eu lieu avant qu'elle ne se purifie. Et dans ce cas-là, le mariage ne sera pas valable. Hein, le mariage ne sera pas valide. Mais si jamais elle informe qu'elle s'est bien purifiée tel jour ou tel jour, alors le contrat de mariage sera valide. Inch'Allah. Et sur ce hadith, plein de règles s'appliquent du fait que celui qui parle, qui avance quelque chose, doit porter la preuve. D'accord ? Doit porter la preuve. Ah ben, par exemple, comme le cas là, de la femme par exemple, qui dit qu'elle a été purifiée ou quoi, son témoignage là, il a accepté. C'est sa preuve à elle. Hein, c'est sa preuve à elle. Et personne ne peut dire le contraire dans ce cas-là. Donc le khulasa de ce hadith, c'est que celui qui accuse quelqu'un en islam, il doit apporter une preuve. Car à la base, c'est que tu présumes innocent. Donc celui qui avance quelque chose doit apporter une preuve. Et les preuves, sous toutes ses formes, comme on a dit, témoignage, ou papier, ou tout ce qui s'y rapporte, qu'on appelle des preuves, qui sont acceptées dans un tribunal. Donc si jamais tu apportes des preuves claires, alors l'accusé, hein, l'accusation se verra acceptée. Sans quoi, si jamais les preuves ne suffisent pas, Alors on demandera à l'accusé, est-ce qu'il reconnaît? S'il nie, alors il doit jurer par Allah. Et que si jamais toi, tu l'accuses d'une chose, par exemple, et que tu n'as pas de preuve, et que lui refuse de jurer par Allah, alors ton accusation aussi sera acceptée. Par exemple, tu dis, on va dire encore Ibrahim, miskin, Ibrahim, il m'a volé, par exemple, mon portable. On va dire, est-ce que tu as une preuve? Non. Mais je dis que c'est Ibrahim qui a volé mon portable. On dit, Ibrahim, tu as volé le portable à Mohamed. Ibrahim, là, il baisse la tête. Il dit, non, par exemple. On dit, jure par Allah. Et là, il ne veut pas jurer par Allah. On dit, Ibrahim, jure par Allah que tu n'as pas volé le portable, que tu as volé le portable, t'as pas volé le portable de Mohamed. Et là, Ibrahim refuse de jurer par Allah. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la peine du vol s'applique sur lui. Naam. Et également, cela va plus loin dans plein de choses. Même dans le témoignage, tu dis que, par exemple, un tel a dit telle et telle chose, tel jour, il faut que tu prouves. Si un tel dit non, j'ai jamais dit ça, ça revient au même. Plein de règles se basent sur ce hadith. Donc de là, ça s'achève l'explication de notre chir sur ce hadith.